Twitter, Insta, Snap, Thomas, je vais rater quelques mêmes. J'travaille mes sons, j'travaille mon shoot, j'travaille mon couple, j'travaille mes textes. C'est fou, j'travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je vais pas te cacher que la vie est belle. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. J'habitais dans une ville de merde avec la tour Eiffel dedans, où les gens sont tristes et pressés, où les gens pleurent en marchant. Mais je viens de prendre une maison près de Caen, où ma famille passe les dimanches. Ma grand-mère part à la messe pendant que ma nièce regarde les anges. En chaussons dans mes crocs, j'emmène ma zouze au mini-golf. On vit avant d'avoir des gosses, ouais, ouais. Ensemble comme alcool et clopes, j'm'en branle, j'écoute que de la K-pop. Trottinette électrique de cross, ouais, ouais. Mon meilleur pote vient faire de la boxe, fait que de me faire péter la gueule. On trouve les gars parlent de vrais trucs, j'en la vérité sur les meufs. J'me lève à 8h pour écrire, j'suis clairement pas un vrai rappeur. Soirée karaoké, chante au DD, Ademo c'est ma sœur. Adieu Twitter, Insta, Snap, dommage, j'vais rater quelques mèmes. J'travaille mes sons, j'travaille mon shoot, j'travaille mon couple, j'travaille mes textes. C'est fou, j'travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, j'vais pas te cacher que la vie est belle. Adieu Twitter, Insta, Snap, dommage, j'vais rater quelques mèmes. J'travaille mes sons, j'travaille mon shoot, j'travaille mon couple, j'travaille mes textes. C'est fou, j'travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, j'vais pas te cacher que la vie est belle. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. J'habite juste à côté de la mer, on se peigne jamais parce qu'elle est froide. J'suis content rien que de la voir, avant j'voyais que l'immeuble d'en face. J'essaie d'apprendre à cuisiner, genre de faire autre chose que des pâtes. Une fois sûr de j'rate mes plats, donc en attendant j'mange des pâtes. J'ai max une barre de 3, j'ai lève le bras pour capter. 20 minutes pour mater, une vidéo qu'en fait 4, ouais. J'rejoins mon père au stade, on prend de but, on prend de bière. J'retourne chez moi, j'allume FIFA, j'reprends ma l'herbe, j'continue de perdre, ouais. Adieu Twitter, Insta, Snap, dommage, j'vais rater quelques mèmes. J'travaille mes sons, j'travaille mon shoot, j'travaille mon couple, j'travaille mes textes. C'est fou, j'travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, j'vais pas te cacher que la vie est belle. Adieu Twitter, Insta, Snap, dommage, j'vais rater quelques mèmes. J'travaille mes sons, j'travaille mon shoot, j'travaille mon couple, j'travaille mes textes. C'est fou, j'travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, j'vais pas te cacher que la vie est belle. Seul avec du monde autour.